Chapitre 17e, Postface. Pourquoi ai-je ajouté ces lettres? Elles ne me vinrent à l'esprit qu'à la fin, après une ultime relecture, et pour trois raisons. Mon ami Tony, qui s'était gentiment proposé pour relire le manuscrit et corriger mes fautes, m'avait dit que, vu la longueur du récit, j'avais plutôt écrit une nouvelle qu'un roman. Le premier jet faisait une quarantaine de pages de plus, et mon ami Christian, qui avait passé beaucoup de temps pour le rendre publiable en corrigeant les nombreuses fautes d'orthographe et de style, avait aussi supprimé tous les passages inutiles sur une bonne cinquantaine de pages, et j'avais suivi presque toutes ses recommandations, pas sa suggestion de fin, dans laquelle Christophe se suicidait. Je me suis dit qu'ajouter quelques pages allait dans le bon sens. Ces lettres de Denise m'avaient donné du fil à retordre, et je trouvais dommage de les supprimer purement et simplement, alors que les autres parties supprimées me gênaient beaucoup moins. Je devais cela à Denise. Ce personnage ne s'exprime dans ce roman qu'au travers de ses lettres, et je ne sentais pas lui ôter ce moyen de s'exprimer. Il fallait que l'on sache ce qu'elle pense de l'ensemble des personnes qui peuplaient son monde. Pour moi, elle est l'héroïne de ce roman, au même titre que Christophe et Marie. Paul-Émile Christian.